Révision. L'alphabet. Alphabet. A, B, C, D. Le chat s'est décidé. E, F, G, H. À saisir une hache. I, J, K, L. Pour couper la ficelle. M, N, O, P. Ou les bâtons salés. Q, R, S, T. Est pendu tout l'été. U, V, W. Le garçon est tombé. X, Y, Z. Tout juste sur sa tête. Le voici tout étourdi et nous avons le temps de redire à présent notre alphabet sans lui. Compréhension de l'écrit. La rentrée. C'est la rentrée. Les élèves rentrent à l'école après les vacances. Jade et Salem cherchent la classe de français. Ils rencontrent Mira et Fatima. Jade. Salut les amis. Ça va? Mira. Oui, ça va. Et les vacances? Jade. À Paris, formidable. Salem. Fatima, où sont ton cartable et tes livres? Fatima. Mais nous ne travaillons pas aujourd'hui. C'est le premier jour. Mira. Tu as quel cours maintenant? Jade. Français. J'ai le cours de français. J'adore cette matière. Et toi? Mira. Maths. Je n'aime pas les maths. Jade et Salem. Ok. Au revoir. Mira et Fatima. À bientôt. Vocabulaire. Les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Copie les jours de la semaine. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les mois de l'année. Juin, août, décembre, avril, octobre, janvier, février. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Les moyens de transport. Copie les mots. La voiture. Le camion. L'avion. Le bateau. Le train. Les nombres. Recopie les mots et les nombres en lettres et chiffres. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9. Dix, dix, onze, onze, douze, douze, treize, treize, quatorze, quatorze, quinze, quinze, seize, seize, dix-sept, dix-sept, dix-huit, dix-huit, dix-neuf, dix-neuf, vingt, vingt, vingt et un, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40. Conjugaison. Le verbe avoir au présent de l'indicatif. Définition. Avoir veut dire posséder quelque chose. Exemple. J'ai une jolie poupée. Elle a une vaste maison. Avoir, c'est aussi exprimer un sentiment ou une sensation. Exemple. J'ai mal à la tête. J'ai soif. Elle a peur. Le verbe avoir au présent de l'indicatif. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont.